Conversation scientifique par Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici très nombreux et à vous autres qui êtes ailleurs encore plus nombreux. Nous sommes dans la grande salle du Théâtre de l'Odéon à Paris pour le quatrième et avant-dernier épisode de notre cycle d'émissions enregistré en public et intitulé « Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas ». L'idée qui nous a menés vers ce thème est toute simple, je la rappelle. Ignorer qu'on ignore, c'est de fait ne rien savoir. Tandis que savoir qu'on ignore suppose de vraiment savoir tout ce qu'on sait, et c'est donc l'affaire des savants. Chaque fois, en compagnie du camarade Léon Bonafé qui lit des poèmes et nous fait part de ses propres inspirations, nous demandons à notre invité ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas à propos de tel ou tel sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le cerveau. Ce sujet nous concerne tous puisque nous avons tous un cerveau. Cette évidence avait déjà été notée par Ludwig Wittgenstein en des termes quelque peu glaçants et qui donnent à réfléchir. C'est un coup du sort étrange, remarquait-il. Tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. Je me permettrai d'ajouter, dans le souci d'honorer la vérité, toutes les femmes aussi. Toutes les femmes dont on a ouvert le crâne avaient elles aussi un cerveau. Et pour répondre à nos questions sur le cerveau, qui sont nombreuses et pressantes, j'ai invité Béchir Jaraya, que je remercie d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine à l'université Versailles-Paris-Saclay. Vous êtes neurochirurgien à l'hôpital Foch. Vous êtes chercheur à Neurospin, un laboratoire dont on reparlera qui est situé à Saclay. Autrement dit, vous avez un cerveau, il n'y a pas besoin de vous ouvrir le crâne pour en être absolument certain. J'ai lu votre CV. Vous êtes un cerveau. Un jour, quelqu'un a dit « L'humanité est parvenue à identifier des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière d'ici, à étudier des particules bien plus petites qu'un atome, mais elle n'a toujours pas élucidé le mystère de ce kilo et demi de matière qui se trouve entre nos deux oreilles. » Est-ce que vous savez qui a dit ça ? Barack Obama. Voilà. Barack Obama, que l'on doit vraiment saluer pour son grand enthousiasme pour la science et qui a ouvert, grâce à ce discours célèbre, le fameux projet BRAIN, qui, je me permets de rappeler quand même, est un rebondissement sur le projet Human Brain Project, européen, à vrai dire, au départ. Et par la suite, il y a un projet également japonais, chinois, etc. Donc on ne peut que se satisfaire de cette dynamique internationale et mondiale. Alors le but de ce projet, c'est de comprendre le cerveau. Ça veut dire qu'on suppose que le cerveau est plus intelligent qu'il n'est complexe. C'est-à-dire qu'il est capable de se comprendre lui-même, c'est-à-dire sa complexité lui permet de se comprendre, et en même temps, elle n'est pas suffisamment grande pour qu'il ne puisse pas se comprendre. Alors, si, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction ? Il y a une contradiction, mais qu'on peut résoudre. Si la complexité fait référence à la complexité anatomique, c'est vrai que le cerveau pourrait ressembler un petit peu à l'univers avec un nombre extraordinairement élevé de neurones, la cellule de base du cerveau, entourée d'une autre cellule qui s'appelle la cellule gliale, que ces neurones ont environ 10 000 prolongements avec d'autres neurones soit à côté, soit plus loin en cœur, ce qui fait un nombre extraordinairement élevé, hein, puisqu'il y a à peu près 100 000 de connexions, puisqu'il y a environ 100 milliards de neurones. Donc l'architecture, elle est d'une complexité peut-être égale à celle de l'univers. Il y a autant de neurones dans le cerveau qu'il y a de galaxies connues dans l'univers. Dans l'univers, donc la coïncidence est extraordinaire. En revanche, on sait que les pensées, les perceptions, la conscience à laquelle on va y venir tout à l'heure, va transcender ce réseau purement anatomique, et l'on va pouvoir générer des patterns, enfin des dispositions d'activité à travers le cerveau qui sont presque de l'ordre de l'infini, et donc on va pouvoir générer des choses qui n'étaient pas forcément prévues si on vous montrait uniquement le contenant, l'architecture anatomique. Alors vous êtes, je l'ai rappelé, professeur, neurochirurgien et chercheur. Est-ce que dans les différentes façons que vous avez d'interagir avec le cerveau, vous parvenez à en avoir une vision unifiée ? Par exemple, quand vous êtes chirurgien, vous manipulez, j'imagine, le cerveau. Comment est-ce que vous le représentez dans ces conditions ? C'est quel type d'organe ? Est-ce qu'il est spécifique ? Est-ce que c'est une chirurgie très particulière, différente des autres ? C'est vrai que la neurochirurgie a des particularités puisque vous allez intégrer dans l'acte chirurgical la fonction. Et la fonction de cet organe a une complexité extraordinairement importante et que nous ne connaissons pas très bien, à vrai dire. Nous ne faisons que démarrer la compréhension de cette fonction. À partir de ce moment-là, on sait que le maniement du cerveau chirurgicalement peut exposer très rapidement, si l'on ne fait pas attention, à des déficits neurologiques, à des séquelles graves qui peuvent donner la motricité, des troubles du langage, des troubles de la cognition, jusqu'à la suppression de la conscience. Ce qui amène effectivement à une manipulation extrêmement fine et précautionneuse et qui tient compte de la fonction. Alors, moi, je trouve que ce qui est passionnant avec la neurochirurgie, c'est qu'elle, historiquement, la neurochirurgie nous a permis de mettre le doigt sur le lien entre des régions particulières du cerveau et des fonctions particulières. Je prends l'exemple le plus célèbre est celui de la mémoire. Il y a ce fameux patient, monsieur HM, qui a disparu il y a quelques années maintenant, et qui, dans les années 50, a été opéré d'une neurochirurgie à cause d'une épilepsie extrêmement handicapante. À l'époque, il fallait retirer une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Ça a été fait d'un côté, l'épilepsie persistait. Une autre intervention a eu lieu pour retirer l'hippocampe contralatéral. Et monsieur HM s'est retrouvé sans hippocampe du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur HM, à partir de ce moment-là, a été frappé d'une amnésie complète, dite entérograde, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus jamais à mémoriser quoi que ce soit. Au point où l'une des chercheuses de Boston qui l'a suivi pendant des années pour des travaux de recherche, tous les jours, quand il lui disait bonjour, il lui demandait « Mais qui êtes-vous, madame ?» Et puis elle lui rappelait que c'était la fameuse chercheuse qui le suivait depuis des années. Alors, cette découverte a permis de mettre le point sur un centre majeur de la mémoire qui est l'hippocampe. Voilà. C'était une découverte suite à un acte neurochirurgical, malencontreux à l'époque, bien sûr. Alors maintenant, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, en neurochirurgie, lorsqu'on intervient dans des maladies comme la maladie de Parkinson, pour implanter... Qui est votre passion, d'après ce que j'ai lu? Vous êtes passionné par la maladie de Parkinson? Absolument. En marge de l'opéra? Absolument. Malheureusement, il n'y a pas encore d'opéra dédié à la maladie de Parkinson, mais sait-on jamais si dans le public, il y a des vocations. Moi, on n'en a pas le souvenir. Et dans cette maladie, effectivement, on peut être amené depuis maintenant un peu plus de 25 ans, grâce à la découverte de Halim Louis Benabid à Grenoble, à implanter des électrodes dans des endroits vraiment qui font quelques millimètres dans les profondeurs du cerveau et, sans guérir la maladie, traiter les symptômes de manière très efficace. Et bien dans cette chirurgie, vous avez plusieurs phases au bloc opératoire qui comportent par exemple un enregistrement de l'activité neuronale avant d'implanter ces électrodes. Et ce qui est particulier, c'est que on se retrouve dans une situation qui ressemble parfois à la situation du laboratoire où on en effectue effectivement des enregistrements neuronaux avant de stimuler cette région. Donc il y a des interactions entre la neurochirurgie et les neurosciences qui, à mon avis, sont non seulement très historiques, mais qui vont être croissants dans le futur. Et il est intéressant de voir qu'un certain nombre de technologies autres que la stimulation électrique est en train de se développer et va nous arriver dans le futur. On va en reparler, Béchir Jaraya, mais est-ce que cela signifie que les grands progrès dans votre discipline viennent du fait qu'on a affaire à des pathologies qui renseignent sur les fonctions diverses que le cerveau réalise? Alors, je dirais un petit peu les deux. Les grandes avancées en neurochirurgie viennent à la fois d'avancées technologiques, l'imagerie cérébrale, des instrumentations de plus en plus affinées, des instruments au bloc opératoire qui sont beaucoup plus modernes, mais également, et je dirais de plus en plus, des avancées des neurosciences, puisque le renseignement sur comment marche tel air, comment elle interagit avec le reste du cerveau, a permis de développer des opérations chirurgicales spécifiques. Mais il y a un retour dans l'autre sens, c'est-à-dire que la neurochirurgie va en permanence renseigner les neurosciences. Et si je reprends l'exemple de la maladie de Parkinson, lorsque ces opérations de stimulation cérébrale ont pu avoir lieu vraiment rendre service de manière très très importante aux malades qui en bénéficient, on a pu découvrir chez un certain nombre restreint des effets secondaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait notamment cette patiente où, après stimulation pour sa maladie de Parkinson, tout d'un coup, elle va développer une dépression mélancolique en quelques instants. Et la dépression mélancolique va disparaître à l'arrêt de la stimulation en quelques instants également. C'est-à-dire une sorte de contrôle de l'humeur chez cette personne en particulier, de manière remarquablement spécifique, sur une stimulation de quelques millimètres. Alors, je veux rassurer les personnes qui m'écoutent. Premièrement, ça concerne pas tous les patients parkinsoniens, c'est un nombre très restreint. Et en réalité, ça n'était pas lié à la stimulation de la zone habituelle, mais parce que le courant électrique a dépassé de quelques millimètres la zone habituelle. Ça a débordé. Ça a débordé, c'est exactement ça. Mais n'empêche que cette observation, qui était aussi rapportée dans d'autres maladies comme les troubles obsessionnels et compulsifs, a pu en retour générer un intérêt pour de nouvelles thérapeutiques pour ces maladies. Pour la dépression. Et les TOC, les deux, les troubles obsessionnels compulsifs. Donc là, il y a eu aussi une sorte de découverte liée Absolument. À une sorte de maladresse peut-être expérimentale. Qui est réversible en l'occurrence, c'est ça qui est intéressant, mais absolument. Et est-ce que cette patiente a un souvenir de cette phase dépressive qu'elle bien a... sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, et elle le sait très bien, mais elle n'est plus stimulée dans cette zone qui déborde sur la zone initiale, donc ça n'est pas le problème, mais elle sait qu'elle a contribué à la science. Et vous ne pouvez pas faire l'inverse en changeant la polarité du courant, c'est-à-dire au lieu d'avoir d'engendrer une dépression, au contraire une phase d'excitation et de bonheur intense. Si, c'est tellement vrai que ça a généré, ce genre de découverte a généré un enthousiasme pour une neurochirurgie, une psychochirurgie, mais très précautionneuse bien sûr. Il ne s'agit pas de retourner au passé malheureux des lobotomies des années 50 et 60. Et puis avec un contrôle éthique extrêmement important, puisque, à l'inverse, pas forcément dans ces mêmes zones-là, mais à d'autres endroits du cerveau, certaines stimulations pourraient effectivement, dans des cas très très difficiles, réfractaires à tout, donc avec un risque de suicide très élevé, corriger ce problème d'humeur. Vous parliez tout à l'heure de l'hippocampe, vous êtes un spécialiste de la maladie de Parkinson. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a compris le phénomène de mémoire, c'est-à-dire comment ça se passe dans le cerveau quand un souvenir est engrangé et puis ensuite restitué à l'aide en cas de besoin? Il y a eu énormément de progrès dans le domaine de la compréhension de la mémoire. Il y a eu ces travaux qui découlent du patient malheureux, et puis les travaux d'Eric Kandel, prix Nobel de l'année 2000, et puis beaucoup d'autres travaux qui vont dans le sens d'une définition de plusieurs types de mémoire. Donc c'est la mémoire est... Et un petit peu comme dans un ordinateur, il y a la mémoire vive, il y a de la mémoire en disque dur, et puis d'autres sortes de mémoire. Donc il y a eu beaucoup de progrès à différentes échelles, c'est-à-dire, ça c'est une constante dans le cerveau, à chaque fois on va être confronté à la problématique d'échelle. Il y a des phénomènes qui vont être décrits à une échelle très globale, à l'échelle anatomique, hippocampe, quelque chose de visible de l'extérieur ou pendant une chirurgie, et puis on va affiner au niveau du neurone unique, voire même dans la machinerie intracellulaire. Et dans chacune de ces échelles, il y a eu un progrès extraordinairement important. C'est pas toujours facile de lier ces différentes échelles, à vrai dire, de découvertes, mais il existe d'authentiques travaux actuellement sur l'espoir de restituer les capacités de mémoire, par exemple dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer. C'est une recherche qui est longue, souvent la recherche est longue, le temps de la recherche n'est pas le temps des médias par exemple, où ça avance pas toujours à la vitesse que l'on souhaite, mais ce sont des recherches très très longues et qui sont en train de tous les ans progresser, et je pense que l'on y arrivera dans quelques années. Alors, vous vous intéressez donc à la maladie de Parkinson, à celle d'Alzheimer aussi, et puis j'ai lu que vous avez fait des découvertes très intéressantes sur l'anesthésie. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est la conscience, surtout quand elle est atténuée ou lorsqu'elle disparaît, dans les phénomènes de coma ou dans d'autres situations de ce type. Qu'est-ce que vous appelez la conscience ? Je sais que c'est une question un peu provocatrice, puisque c'est un mot polysémique. Quand je dis que Madame Intel était consciente après son accident de voiture, le mot conscient n'est pas le même que lorsque je dis qu'elle n'a pas eu conscience que le feu était rouge. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à définir cette notion ? Absolument, c'est très difficile à chaque fois, les problématiques de définition du mot conscience. J'avoue que je suis venu un petit peu à ce domaine grâce à mon ami et collègue Stanislas Dehaene et d'autres collègues comme Lionel Nakache, par exemple. Et c'est un domaine qui bénéficie d'un développement très important dans les moyens d'investigation du cerveau, c'est-à-dire l'imagerie cérébrale, ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, l'électroencéphalographie quantitative, etc., etc. Dans ce programme de recherche, on s'est intéressé à l'anesthésie, car si on regarde dans cette salle, je suis sûr qu'un grand nombre des personnes ici auront forcément quasiment un jour une anesthésie générale pour une opération plus ou moins bénigne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait par millions en Europe, aux États-Unis tous les ans et ailleurs dans le monde. Et le mécanisme précis de l'anesthésie reste encore cœur assez obscur. Hein. Alors, évidemment, l'anesthésiste ne vous le dit pas, hein. Mais je vous rassure, il fait très très bien son travail et la sécurité de l'anesthésie aujourd'hui est devenue extraordinairement importante avec des risques beaucoup beaucoup plus faibles qu'autrefois. Il n'empêche que vous dire exactement ce qui se passe dans le cerveau, car finalement l'anesthésie est une manière artificielle et réversible de la suppression de la conscience, cela reste difficile d'accès. Alors de la conscience de soi. Est-ce que c'est la conscience totale de l'environnement, par exemple ? Alors, je vais utiliser à chaque fois trois niveaux de conscience. Il y a un niveau très basique, c'est l'ordinateur qui est mis en on, qui est allumé. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil, hein, d'accord ? Ou la vigilance. Ou en médecine, on emploie aussi le mot vigilance. Donc on dit que le patient est vigilant, ça veut dire qu'il a une réaction d'éveil. En pratique, il ouvre les yeux. Hein. Donc le matin, vous commencez par ouvrir les yeux. Hein. Même si vous êtes un peu dans le coton. Exactement. Pareil, après une anesthésie générale, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux. Et puis pareil, on le verra dans certaines pathologies. Donc ça c'est le niveau de base avec, je dirais, l'ordinateur est allumé. Hein. Vous appuyez sur l'interrupteur et puis le système d'exploitation commence à arriver. Par la suite, cet éveil, évidemment, ne suffit pas du tout pour réaliser ce qui se passe ou pour communiquer avec le monde extérieur. Hein. Et encore moins pour avoir conscience de soi-même et d'avoir du recul sur ses propres pensées. Hein. Donc, le deuxième niveau va être justement cette conscience du monde extérieur. Et là, on va arriver sur un deuxième niveau qui nécessite une intégration des informations dans le cerveau. Je vais me référer à un modèle théorique développé par Stanislas Dehaene, Lionel Nakache et Jean-Pierre Changeux, qui s'appelle la théorie de l'espace global du travail. Dans cette théorie, une information qui arrive dans votre cerveau parce que vous avez vu quelque chose, parce que vous entendez une émission, parce que vous ressentez quelque chose dans votre main, elle devient consciente parce que elle est disponible pour tout le reste du cerveau et qu'elle diffuse telle une radio. C'est ce qu'on appelle donc une conscience du monde extérieur. Et puis il y a un troisième niveau qui est réellement la conscience de soi, l'introspection, le fait de réfléchir sur soi-même. Et ça, c'est encore un niveau plus élevé et plus délicat d'approche. Alors, avec l'anesthésie générale, vous m'avez posé la question, on supprime rapidement les trois niveaux, évidemment. Hein, voilà. On supprime rapidement les trois niveaux. En revanche, on ne supprime pas le traitement de l'information sensorielle. Hein, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'éveil, et ça c'est très très important, le cerveau n'est pas éteint. Et ça, beaucoup d'équipes dans le monde l'ont démontré, nous l'avons démontré aussi au laboratoire. Si vous jouez une musique à quelqu'un qui est sous anesthésie générale, vous allez activer plusieurs aires du cerveau, y compris l'aire corticale. Donc le cortex étant le manteau, la partie la plus superficielle du cerveau, et l'aire corticale de l'audition va être activée. Ça ne veut pas dire que je réalise ce qui se passe, parce que le fait que cette information arrive et soit traitée un petit peu au niveau du cerveau ne veut pas dire que j'en suis conscient. Par la suite, si vous arrivez à diffuser cette information partout, ce que l'anesthésie ne permet pas, là, vous allez être conscient du phénomène en question. C'est pas tout à fait un hasard si Stanislas Dehaene s'est intéressé à l'anesthésie, à mon avis. Hein. Non, parce que... Son anagramme, c'est anesthésie à la danse. Ah, ça c'est... J'avais une question sur ce que vous venez de dire, parler de le fait de la conscience, c'est un des aspects de la conscience, c'est d'avoir conscience de soi. Et Auguste Comte faisait remarquer qu'avoir conscience de soi, c'est opérer un dédoublement. Il disait ceci, l'individu pensant ne saurait se partager en deux, dont l'un raisonnerait tandis que l'autre regarderait raisonner, l'organe observé et l'organe observateur étant dans ce cas identiques, comment l'observation pourrait-elle avoir lieu? Alors, Auguste Comte dit quand même que c'est identique. Ça veut dire qu'il n'y a pas réellement, il n'y a pas de dédoublement physique, il n'y a pas quelque chose qui se met à côté du cerveau, c'est quand même le cerveau lui-même qui opère dans les deux cas. Mais c'est une sorte de métacognition, c'est-à-dire que le cerveau a des pensées et il pense qu'il a des pensées. C'est exactement ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire le fait de réfléchir sur ses propres pensées. Ça, c'est un phénomène, c'est encore le troisième niveau, je dirais, du phénomène conscient. Léon Bonafé, vous avez des choses à nous dire ? Oui, là, sur le dédoublement, j'ai un poème de Norge, ce poète français du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle, qui s'appelle, le poème s'appelle « Boulet saugrenu ». Trop dédoublé, trop devenu spectateur de moi-même. Et je ne m'intéresse plus pour m'être exagérément ausculté. J'ai vu le fond du puits, j'ai conquis le baiser final, j'ai troué le voile du temple et l'arche n'est pas en or. Nous pourrions très bien nous entendre en nous voyant moins. Hélas, moi-même, faux frère que je traîne avec moi, Boulet. Voilà. Merci Léon. Si je peux contribuer au débat. Largement. Est-ce que vous connaissez des patients qui ont ce rapport dédoublé avec eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont conscience d'être un autre qu'eux-mêmes? Alors il y a différentes versions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une expérience de sortie du corps. On peut pendant l'anesthésie. Pendant certains cas d'anesthésie avec des petits réveils ou à la sortie de l'anesthésie ou parfois de manière artificielle, certains collègues en Suisse ont démontré que nous tous, nous pouvons, avec un petit système, un petit dispositif relativement simple, expérimenter cette sortie du corps alors qu'à l'évidence, on l'est pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi ça m'intéresse, je veux dire, je suis pas le seul sûrement à être candidat. On ira ensemble. Et vous comprenez le mécanisme qui fait qu'on a l'impression d'être à l'extérieur de son propre corps ? Ce que l'on a découvert, c'est que l'hémisphère droit, et notamment le lobe pariétal, était important, avec aussi des aires temporales. Donc certaines régions du cortex étaient très importantes pour la représentation corporelle de soi, et que finalement, cette représentation est l'une des fonctions, comme les autres. C'est un petit peu la difficulté qu'on a des fois avec ces questions. C'est comme la conscience, mais on se dit, ça c'est des choses, c'est pas des neurosciences, c'est de la philosophie, c'est de la... de domaine ou de la spiritualité. Ça veut pas dire qu'on peut pas aborder le même sujet par différentes manières. C'est tout ça, je pense, qui est tout à fait compatible. Mais ce qui est nouveau, c'est que on peut imaginer ces désordres ou ces sensations comme étant des fonctions neurologiques ou des changements de la fonction neurologique. Et ça, maintenant, on peut le documenter puisqu'on peut, avec l'IRM fonctionnel notamment, lire, voir comment le cerveau réagit lorsqu'il y a cette expérience, par exemple, de sortie du corps. Est-ce que vous pouvez, dans le même genre d'idée, comprendre ce qu'on appelle des hallucinations, par exemple ? Je pense au cas d'une alpiniste dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est redescendue en catastrophe du Nanga Parbat et qui raconte qu'elle a eu la nuit une hallucination. Elle a cru voir une dame qui s'approchait d'elle et lui proposait du thé à la condition qu'elle enlève l'une de ses chaussures et lui offre un cadeau. Ce qu'elle a fait. Et son pied a gelé. Donc elle a été victime d'une véritable hallucination, dans un grand état de fatigue, de stress aussi sans doute, manque de sommeil. Est-ce que c'est des choses qui sont compréhensibles par votre discipline? Le phénomène des hallucinations est fascinant également. Il se voit dans certaines maladies psychiatriques, il se voit aussi avec certains traitements médicamenteux, de manière réversible. L'une des manières actuelles d'aborder l'hallucination est la suivante. C'est-à-dire que ces dernières années, on a pu démontrer que finalement, toutes nos représentations sensorielles, perceptuelles, toute notre perception est finalement une construction du cerveau à la fin. C'est-à-dire que si nous regardons tous la même personne ou le même tableau ou le même opéra qu'on écoute en même temps, eh bien, certes, nos organes sensoriels, nos transducteurs périphériques, notre rétine, notre oreille interne va faire à peu près le même travail, mais dès que ça commence à arriver au niveau du cerveau, le cerveau va ajuster un petit peu, va ajuster les choses, va faire ce que j'appellerais un petit peu de Photoshop, de sorte que, comme ce Photoshop est unique à chacun, à la fin, on ne voit jamais la même chose. Transculture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, Béchir Jaraya, vous m'avez envoyé, en guise de préparation à cette émission, un petit graphe sur lequel on voit deux axes, c'est en anglais, sur les abscisses, on parle du niveau de vigilance, donc c'est l'éveil dont vous parliez tout à l'heure, le fait d'avoir les yeux ouverts finalement. Et puis en ordonnée, c'est en anglais l'awareness, qui est un mot pour dire la conscience, mais pas n'importe laquelle. C'est quoi? Comment on pourrait traduire awareness en français? Ça va être les niveaux 2 et 3 dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la conscience de l'extérieur et de soi, avec cette notion de communication avec l'extérieur et de reportabilité. Donc je peux rapporter certaines sensations, je peux avoir réellement une communication dans les deux sens avec le monde extérieur. Donc la conscience pleine, c'est quand la vigilance est maximale et que l'awareness, enfin, cette conscience dans les niveaux 2 et 3 est également maximale. Absolument. Le coma, c'est quelle situation? Alors, le coma, c'est l'inverse, c'est-à-dire la vigilance et l'éveil sont à zéro, les yeux sont fermés, et puis il n'y a pas du tout de conscience de l'extérieur, de communication, d'interaction avec le monde extérieur. Alors, sur ce graphe, le coma et l'anesthésie générale sont presque au même point. Alors, pourtant, c'est différent. Sur ce schéma, vous voyez que l'anesthésie déborde sur la case coma. On est un peu plus conscient. Parce que c'est un schéma qui remonte à 2013 et entre-temps, on a avancé dans notre compréhension de l'anesthésie générale. Ah, vous m'avez donné des vieux documents. C'est l'intérêt de l'émission. 2013, c'est déjà caduque. Voilà. Mais c'est vrai que, c'est, pour revenir par exemple sur la spécificité de l'anesthésie générale, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on l'a comparé au coma. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'on induisait réellement un coma et que vous êtes à 0 et 0. Alors, on se rend compte que, effectivement, le panel est plus large pendant l'anesthésie. Et puis surtout, ce que l'on a compris sur l'anesthésie générale, c'est que effectivement ce circuit large de la théorie de l'espace global de travail dont on parlait tout à l'heure, qui nécessite l'implication de plusieurs aires du cortex, ce circuit est complètement désorganisé, voire effacé selon l'agent anesthésique. Ça, premièrement. Deuxièmement, et ça c'est avec des travaux de la thèse de Lynn Uhrig et puis avec aussi la collaboration de Pablo Bartfeld et Jacobo Sitt, on a pu démontrer quelque chose de très très intéressant. De quoi s'agit-il? L'anesthésie, finalement, si je dois le résumer, est une manière de ramener votre cerveau et esprit uniquement aux voies anatomiques tracées de votre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre cerveau, comme je le disais tout à l'heure, anatomiquement, si on l'observe de l'extérieur même au microscope ou en imagerie, on va pouvoir tracer des voies, des câbles qui lient tel air avec l'autre, avec trois autres. Et ce sont des prolongements des neurones, il y en a énormément. Et puis, il va y avoir une câblerie, une sorte de câblerie extrêmement complexe et extrêmement diffuse entre ces aires-là. Alors, sous anesthésie, ce qu'on observe, c'est que le cerveau qui continue à avoir les neurones continuent à avoir par endroits des décharges spontanées, même si on n'a pas de conscience, c'est que ces décharges spontanées ne font que emprunter ces voies tracées par l'anatomie du cerveau. Alors que, dès que vous sortez vers l'état de conscience, vous commencez à voir des aspects de productivité cérébrale qui ne sont pas du tout expliqués, qui ne sont pas parallèles à cette architecture anatomique. On se détourne de la topographie du cerveau, c'est ça ? On pourrait le dire comme ça ou pas ? On se détourne de la topographie complètement et on se détourne même de l'architecture anatomique. C'est-à-dire que votre cerveau... Alors, moi, j'ai une image que je trouve dans la littérature, dans le livre de Borges, le fameux livre de sable. Dans le livre de sable, Borges dit, enfin le narrateur qui reçoit un vendeur de Bible, qui lui présente le livre de sable et il lui dit à un moment, le nombre de pages de ce livre est exactement infini. Je trouve ça remarquable d'ailleurs. Et évidemment, on met du temps à comprendre qu'est-ce que c'est que ce livre infini. Et surtout à le lire. Et effectivement, il essaye de manipuler le livre, de voir la fin, le début, et il n'y a ni fin ni début, il y a exactement une infinité de pages. Moi, j'aurais tendance à dire que finalement, là, c'est une métaphore extraordinaire du cerveau conscient, à savoir que c'est une génération d'une infinité de possibilités que n'explique plus simplement l'architecture anatomique. C'est-à-dire qu'un cerveau en plein état de conscience a des potentialités qui sont impossibles à prévoir parce qu'elles sont infinies. Absolument. Est-ce que Léon Bonafé a des choses qui font écho à ce que nous sommes en train de discuter ? Je pense, oui, sur les niveaux de conscience et puis sur toutes les possibilités du cerveau. Je voulais vous parler, vous faire entendre la voix de Babouyek, qui est cette incroyable poétesse autiste, de son vrai nom Hélène Nicolas, et qui n'a jamais parlé, qui a une trentaine d'années si je ne dis pas de bêtises, mais qui écrit sans avoir jamais appris ni à lire ni à écrire, qui a réussi à trouver un chemin vers l'écriture pour s'exprimer. Et pour partager son monde intérieur avec nous, finalement. Et voici l'introduction, un extrait de l'introduction à un de ses recueils qui s'appelle « Algorithme éponyme ». Je suis Babouyek, très déclaré sans parole. Seul, enfermé dans l'alcôve systémique, nourricière souterraine de la lassitude du silence, j'ai cassé les limites muettes et mon cerveau a décodé votre parole symbolique. L'écriture. Je tue mes démons silencieux dans les tentatives singulières des sorties éphémères de ma boîte crânienne. Savoir marcher sur le fil tendu entre la frontière des densités humaines sauve de l'isolement. Je suis enregistré dans un endroit bizarre de la vie, et la pensée nourricière poétique dans cet espace galope comme un cheval fou. J'ai écrit des textes lisibles, je crois. Les frontières des osmoses entre les mots m'échappent toujours et encore. Pourquoi faut-il être en accord avec le tout petit rien de nos mécanismes mentaux pour ouvrir le passage à l'acte du corps cérébral ? Je m'interroge. La perpétuelle sommation poétique qui traîne dans mes cellules grises, souterraine habitante noctambule, incapable de croiser la lumière du jour sans invitation, m'oblige à dépasser les limites carcérales du rien, et je sors de ma carapace. Tout séisme surhumain nourrit sa passion de l'être, je crois. Alors on identifie le chemin à transgresser pour atteindre les autres cerveaux. Mettre mes sonorités poétiques, envahissant tout l'espace fermé de mon crâne, sur l'alignement du dédale des mots, et ma recherche perpétuelle. Merci Léon Bonafé. Très belle lecture. Et à la fois le maniement d'un vocabulaire très riche et en même temps une façon de parler tout à fait originale, unique. Oui. Est-ce que Oui, vous voulez réagir, Béchir. Ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est que elle parle en permanence de cerveau, de boîte crânienne. Elle parle comme un neuroscientifique, finalement. Et elle rapporte bien ses difficultés à un problème neuronal. Ce qui est tout à fait vrai, à vrai dire. L'autre chose qui me fait réagir, c'est la grande souffrance des patients qui ont une atteinte, une maladie cérébrale du système nerveux, qu'elle soit dégénérative ou du fonctionnement de leur cerveau, et qui nous invite vraiment à, lorsqu'on développe nos recherches en neurosciences, d'avoir toujours un retour vers la clinique. Vous m'avez demandé tout à l'heure comment fait-on pour être à la fois neurochirurgien, chercheur. Je trouve que c'est intéressant d'être effectivement impliqué dans les demandes, car il y a une demande très forte de la part des patients. Il y a des personnes qui ont ces cerveaux. Absolument. Mais est-ce que vous comprenez comment, justement, une personne comme cette jeune poète peut ne pas parvenir à parler tout en ayant autant de choses à dire et avoir trouvé le chemin du langage écrit, mais pas de la parole? Est-ce que ça se comprend d'un point de vue neurologique? Oui, tout à fait, puisque le langage écrit, le langage parlé, le langage prononcé ne suivent pas obligatoirement les mêmes structures anatomiques ni les mêmes dynamiques neuronales. Et c'est un exemple où on peut avoir des dissociations, comme on en voit aussi dans d'autres pathologies. Alors, vous avez plusieurs spécialités, je l'ai dit, notamment le fait de pouvoir modifier des états de conscience, activer une activité cérébrale par différentes techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? La stimulation? Alors, la neurostimulation, j'en parlais tout à l'heure pour la maladie de Parkinson, c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire qui est née avec les travaux d'Alim Louis Benabid dans la maladie de Parkinson. Et puis, rapidement, on s'est dit, c'est quand même extraordinaire que une stimulation électrique à faible courant de quelques millimètres cubes du cerveau peut corriger quelque chose de fondamentalement handicapant comme la maladie de Parkinson. Et puis, il y a eu ces autres effets secondaires de la stimulation réversible, encore une fois, mais qui nous ont permis de voir des dépressions, des troubles de l'humeur, des états hypermaniaques, etc., etc. Donc à partir de là, il y a maintenant un champ de développement considérable sur le traitement de certaines maladies du cerveau par neurostimulation, avec comme avantage de pouvoir cibler uniquement une partie clé du cerveau et ne pas bombarder l'ensemble du cerveau, par exemple, par un agent pharmacologique qui surstimule d'autres aires, par exemple. Alors, maintenant, le vrai défi, c'est jusqu'où on veut aller avec ça. Je fais quand même une parenthèse. Au jour d'aujourd'hui, clairement, tout ce domaine de la neurostimulation, notamment les stimulations invasives avec implantation d'électrodes, ne concerne que des pathologies. J'entends et je lis parfois des choses qui relèvent un petit peu du fantasme où l'on va pouvoir se faire implanter des électrodes partout, tout le monde, pour améliorer toutes nos capacités cognitives. Avant les examens. Par exemple. Bon, l'effet placebo marche très bien aussi pour les examens. On se souvient de tous ces soi-disant dopants de la mémoire. Quand j'étais jeune, aucun ne traverse la barrière hématoencéphalique, mais ça avait un effet placebo. Bon, donc il n'est pas question d'imaginer que ce genre de technique va être généralisé ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même statistiquement, le nombre de ces opérations en France tous les ans est stable. Il n'y a pas du tout une tendance à une augmentation massive. Par contre, est-ce qu'on peut aller vers le défi un défi encore plus grand, c'est-à-dire réveiller littéralement des patients qui ont perdu la conscience de manière chronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on n'est plus sur le coma, qui est un terme réservé à la phase aiguë d'un traumatisme crânien ou d'un accident vasculaire grave. On n'est plus sur l'anesthésie générale, qui rapidement, vous allez quitter cet état d'inconscience. Mais vous avez un patient qui va avoir un traumatisme grave, qui va arriver complètement inconscient aux urgences, qui va être opéré, par exemple, en neurochirurgie, et puis, qui va survivre grâce à une réanimation moderne très intensive. Voilà. Malheureusement, un certain nombre va survivre, mais ne jamais retrouver la conscience. Il peut retrouver typiquement ce qu'on appelle l'éveil, Donc il va ouvrir les yeux, ce patient, par exemple, 10 jours après. Alors, la famille va penser qu'il est en train de se réveiller, mais malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Et puis, lorsqu'on veut essayer de l'interroger, de voir s'il y a le niveau 2 et 3 de conscience dont je parlais tout à l'heure, soit cliniquement, soit maintenant par des moyens plus sophistiqués de recherche, on va trouver soit l'absence totale de réponse, et on va appeler ça l'état végétatif, soit une réponse très très faible, hein, et on va parler de conscience minimale ou de état possi-relationnel. On a en tête Ariel Sharon il y a quelques années, Michael Schumacher, et d'autres cas, tous les ans, la médecine moderne, à vrai dire, a un petit peu comme effet secondaire la génération de malades comme ça. Leur nombre augmente. Leur nombre augmente. C'est parce... combien, par exemple, pour la France? Est-ce qu'on a une idée de... Quelques centaines par an. Les avancées importantes qui ont eu lieu dans ce domaine concernent le diagnostic, puisque on savait pas encore diagnostiquer et faire la différence entre le végétatif qui n'a aucune communication avec le monde extérieur et puis celui qui a un petit peu de conscience minimale. Et ça, c'est déjà un pas très important. Maintenant, le défi d'après, c'est sortir de cette conscience minimale vers un véritable réveil, une véritable conscience. Voilà. Et c'est là que les techniques de neurostimulation peuvent retrouver leur place. Il y a eu un cas, à vrai dire, il y a eu quelques cas rapportés à Bordeaux dans les années 90 par un monsieur Coadon, mais à l'époque on n'avait pas ces moyens de diagnostic et ces recherches ont été abandonnées. Et puis récemment il y a eu un cas aux États-Unis et nous au laboratoire, ça fait partie des thématiques qui nous est chère puisque nous sommes en train d'essayer de démontrer que certaines régions spécifiques du cerveau, lorsqu'elles sont stimulées à certaines intensités, à certaines fréquences, pourrait amener cet espoir de sortie totale de mais conscience minimale. Est-ce qu'il faut minimale. Que la stimulation soit continue ou bien il faut qu'elle ait lieu pendant un certain temps et ensuite les effets qu'elle induit sont permanents? Je pense qu'il faudra arriver aux essais cliniques, hein, puisque maintenant on est encore au stade laboratoire, et à ce moment-là, on pourra réellement répondre sur le mode de stimulation. Mais là aussi, le passage chez le patient est extrêmement délicat. Hein. Il y a beaucoup de considérations éthiques dont il faut tenir compte. Hein. Et encore une fois, l'encadrement éthique est très important dans ces recherches. Est-ce qu'on peut craindre que la personne, par exemple, change de personnalité? C'est très difficile à dire. On peut craindre que le résultat soit très partiel et finalement on ne sait pas ce qui se passe, que la personne finalement se réveille mais se retrouve extrêmement paralysée de partout parce qu'elle a perdu l'ensemble de sa motricité. Et soit consciente de son état du coup. Exactement. Hein, donc il faut tenir compte et je pense que il va falloir introduire de la stimulation sur mesure dans ces cas-là. Hein, c'est-à-dire que l'image au jour d'aujourd'hui, par exemple, même dans la médecine Parkinson, la cible de la stimulation est souvent la même. Demain, et déjà un petit peu aujourd'hui, des études en imagerie fonctionnelle vont pouvoir faire du sur-mesure. Et je pense que dans ces maladies où la conscience est perdue ou d'autres maladies où il y a des problèmes cognitifs, là, il devient indispensable de tailler sur mesure la stimulation, sa cible, son mode. Est-ce que vous êtes prêt, Béchir Jaria, à nous parler des rêves ou pas? Alors les de rêves. De toute façon, Léon va lire un poème. Après, je peux lancer le travail parce que moi je vais faire de la prévention. Hein, de toute façon, là, j'ai un poème pour bien apprendre à se méfier des rêves. Ah oui, méfiez-vous. La sigmundialisation vous guette, qui en une nuit peut vous délocaliser à tour de coup bien bas. En se jouant de ce Morphée qui pionce dans vos bras, vous ne le soupçonnez même pas. À peine êtes-vous sorti du goulag de Sibérie où vous avez jeté sans ménagement, comme dans une ménagerie, le commissaire du peuple Karl Marbre et son glacial adjoint Sigmund Froid, que vous voici déjà prisonnier du même Sitting Mund Bull, déguisé en grand sachem de la tribu des pieds dans le plat, qui vous libérera à condition que vous fumiez sous ses yeux le calumet de la pipe avec votre compatriote de Belgique, le commissaire Magritte. Oh, le fumier! Vous le pressentiez, Simon Freud, le flic, est dans le coup cette fois. Et que faire? Vous avez beau appeler au secours sur votre portable Base Freedom of Speech, c'est à nouveau ce diabolique Freudhomme qui vous répond qu'il ne peut rien pour vous. Vous n'en sortez pas. et vous vous retrouvez, inconsolable, dans les bras de votre mère, qui, comme la mienne, comme toutes les mères, quoi, se prénomme Simone. Ben, c'est un signe, non ? Simone Freud, tu me reconnais, vous dit-elle ? Elle insiste, vous incestez à votre tour, tout en comptant sur les doigts les jours qu'il vous reste à tirer. Mercredip, jeudip, vendredip, samedip, encore 4 fois dormir et ce sera la délivrance, ou un autre père du manche qu'il vous faudra tuer. Ah, rêveur, rêveur, quel pénis métier. Ça, c'est un poème de Jean-Pierre Verheggen. Oui, on l'a reconnu, parce que j'ai l'impression que vous l'aimez bien, mais oui, j'ai évidemment, beaucoup de tendresse pour Verheggen. Magnifique texte. C'est magnifique. J'en profite pour rendre un vibrant hommage à Michel Jouvet, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui était mon professeur de médecine expérimentale à Lyon, et qui m'a réellement donné l'amour des neurosciences. Alors, le rêve, l'éveil du rêve, se réveiller du rêve, c'est quelque chose de... C'est finalement l'expérience que nous faisons tous de la suppression de la conscience et du retour à l'éveil. Cette expérience est parfois longue, et puis, comme vous m'avez mis un peu sur la voie de l'opéra, j'en profite pour faire une petite diversion. Je pense rapidement à ce chef-d'œuvre wagnérien, le Ring, l'anneau du Nibelung, hein, la tétralogie. Dans Siegfried, il y a cette scène extraordinaire. Alors Siegfried, c'est le bonhomme sans peur, vraiment le jeune homme fougueux qui connaît pas la peur. On pourrait penser qu'il est inconscient d'ailleurs. Il l'est tellement qu'il va pouvoir traverser les flammes. Inconscient des dangers, mais il n'est pas inconscient tout court. Absolument. Et donc Siegfried, ça va être la seule personne qui va traverser les flammes et venir réveiller la Valkyrie Brunhild. Et là, il y a un moment extraordinaire de l'opéra, hein, le réveil de Brunhild. Je pense notamment à la mise en scène de Patrice Chéreau avec Boulez en 80 pour le centenaire du Ring. Bref, où on voit cette Brunhild d'abord avoir une réaction d'éveil, où elle ouvre les yeux, et puis il va se passer tout un moment progressif où elle va commencer à prendre conscience de son réveil, de sa sortie de ce très lent sommeil qui lui a été infligé depuis fort longtemps. Pourquoi je pense à cette scène vibrante ? C'est aussi parce que on peut penser que Siegfried est entre guillemets inconscient au sens littéraire du terme, et ça n'est pas du tout c'est pas du tout vrai. Il y a deux nuances. Premièrement, on voit très bien que Siegfried, dès qu'il y a le réveil de Brunhild, pour sa première fois dans la vie, il a peur. Il devient paniqué. Donc ça l'humanise de manière considérable. Et puis quand on lit la correspondance prolifique de Wagner, Wagner dit « Siegfried, c'est pas du tout ce que vous en pensez, c'est au contraire, c'est l'être idéal qui a un très haut niveau de conscience, au point de comprendre que il faut à ce moment-là transmettre la conscience dans notre vécu quotidien et en action. » France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, sur les rêves, on a reçu il y a quelque temps à cette émission Laurent Cohen, qui expliquait que pour se souvenir d'un rêve, il faut avoir été interrompu dans son sommeil, en général. Sinon, on s'en souvient pas. Si le réveil est naturel, entre guillemets, alors le rêve se dissipe sans laisser aucune trace. Oui, parce que même si pendant le rêve, l'échelle de conscience va remonter, à vrai dire, si on prend les mêmes d'ailleurs sur le graphique que vous avez, vous voyez que le rêve n'est pas très loin de l'état normal, puisqu'il est il est situé là. Oui, mais pour dire rêve, vous dites REM sleep. Oui, quand même rapid eye movement, puisque il y a des mouvements rapides des yeux. Je l'avais pas reconnu. Et Michel Jouvet a démontré pour la première fois, d'ailleurs, une découverte fondamentale, c'est que le rêve correspond à cette phase de sommeil paradoxal où il a décrit un éveil cortical. Et il y a quelque chose qui se rapproche beaucoup de la conscience normale, sauf que il n'y a pas forcément de mémorisation de ce contenu des rêves, parce que ça n'est pas parce qu'il y a un phénomène conscient qu'il y a mémorisation. Là aussi, il y a une distinction entre la fonction mémoire et l'accès conscient. Dans l'interprétation des rêves, Freud écrit « Pour bien comprendre la vie psychique, il est indispensable de cesser de surestimer la conscience. » Est-ce que vous comprenez cette phrase? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ce que vous avez appris depuis Freud permet de la penser autrement ou de la démentir? Alors, moi j'aime beaucoup la théorie de Freud parce que c'est un modèle extrêmement intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il est exactement vrai d'un point de vue neurosciences au jour d'aujourd'hui, mais ça a le mérite d'avoir été l'un des premiers modèles de traitement conscient et inconscient de l'information. Donc dans ce sens, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, on l'a peut-être pas dit depuis le début de l'émission, mais la majorité du traitement de l'information cérébrale que nous opérons à chaque instant est inconscient. Et seules certaines informations, de temps en temps, vont avoir le privilège d'arriver en scène et donc de devenir des informations conscientes. C'est ça un petit peu l'image. Mais la majorité de notre traitement de l'information est inconscient. Et les idées, est-ce que vous savez comment viennent les idées? Est-ce qu'on peut définir ce qu'est une idée? Et est-ce que c'est un statut qui la rend reconnaissable dans l'activité cérébrale? Autrement dit, pour prendre un cas concret, si je mettais Einstein dans un appareil d'IRM, au moment où il a l'idée du principe d'équivalence, est-ce que ça laisse dans l'activité du cerveau un signe que vous pourriez identifier, ou est-ce que ça fait partie de l'activité courante du cerveau? Mon grand regret, c'est qu'il n'y avait pas d'IRM fonctionnel du temps d'Einstein, ça c'est sûr. Non, mais il y a quand même des physiciens encore qui ont des idées. Donc exactement. Mais c'est très très difficile. C'est très très difficile de faire une expérience où vous savez que vous allez détecter l'activité du cerveau au moment où il y a une nouvelle idée qui arrive. Ça c'est pas forcément facile. Parce qu'on peut pas ordonner aux patients d'avoir une idée. Par exemple. Ou on peut leur demander, mais l'idée c'est pas toujours à la demande évidemment. Cependant, il y a un pan des neurosciences qui s'intéresse à la création d'idées et à la créativité en général. Mon ami Emmanuel Veul à l'ICM travaille beaucoup sur cette thématique. Léon? Oui, non, voilà, pour aider à la réponse, encore une fois, toujours, comme je peux, avec un grand poète syrien qui s'appelle Adonis, et un court poème extrait d'un recueil qui s'appelle Chaos. Hier, une souris a creusé son trou dans ma tête perdue. Peut-être aimerait-elle y habiter. Peut-être aimerait-elle y posséder chacune de mes errances. Peut-être rêverait-elle d'y devenir une idée. Merci Léon. C'est simple, ça. Alors, voir d'où viennent les idées, on vient de comprendre que c'était pas simple, mais il y a parfois des idées qui nous trottent dans la tête dont on voudrait se débarrasser et on n'y arrive pas. Est-ce que. Des sortes d'obsessions. Oui, les idées qui veulent pas quitter notre. Des souris qui viennent coloniser le cerveau sans qu'on les ait invitées. Alors c'est difficile de répondre à cela, à vrai dire. Je peux pas vous donner une recette de comment se débarrasser d'une idée qui vous trotte dans la tête, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des idées qu'on oublie, enfin il y a des événements aussi qu'on oublie plus facilement que d'autres. Et à vrai dire, on peut avoir des tempéraments différents. Il y a des personnes qui oublient facilement, par exemple, les mauvaises nouvelles, et puis d'autres qui vont être concentrées là-dessus. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on traite une même information, nous tous, on la traite pas de la même manière et on la stocke pas de la même manière. Non seulement elle ne devient pas forcément consciente dans notre espace à tous au même temps, mais on va pouvoir des fois la stocker et puis des fois ne pas la stocker. Et c'est évident que l'évolution est intervenue de manière importante pour nous permettre de se débarrasser de certaines idées, parce que sinon on a un brouillon total. Après, le fonctionnement précis du cerveau pour faire cette opération, je ne crois pas qu'il soit vraiment élucidé au jour d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un en dehors de l'esprit? Quelque chose qui existe en dehors de la conscience? Je vous pose la question parce que Stanislas Dehaene avait mis en exergue de son livre une citation de la poétesse américaine Emily Dickinson, qui est celle-ci. « Le cerveau est plus spacieux que le ciel, car mettez-les côte à côte, l'un sans peine contient l'autre, et vous de surcroît. » C'est un très beau texte. C'est un très beau texte, mais qui sous-entend, si j'ai bien compris, qu'il n'y a justement rien en dehors de l'esprit. Moi, je pense que, en tout cas dans la conception neuroscientifique des choses, tout ce que l'on perçoit est obligatoirement présenté, fabriqué, parfois retouché, même souvent retouché, par notre cerveau. Il y a quand même des signes qui viennent de l'extérieur, pour exciter ce cerveau, justement. Oui, bien sûr. Donc les organes sensoriels nous bombardent de milliards d'informations en permanence que le cerveau va trier, traiter, améliorer, diminuer, photoshopper, comme je disais tout à l'heure, stocker ou pas, rendre conscient ou pas. Mais il est très difficile de parler d'autre chose que le cerveau pour la représentation ou la perception du monde extérieur. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est aussi une question presque civilisationnelle. Au jour d'aujourd'hui, la définition de la mort est celle de la mort cérébrale, par exemple. Hein. Ça n'est pas autre chose. On a la démonstration, on n'a jamais démontré de perception qui ne soit pas corrélée à une activité cérébrale, par exemple. Après, moi je n'ai aucune prétention de dire que la seule explication du monde est celle des neurosciences. Ça, c'est évident. On a le droit d'avoir mais sa propre... Mais il n'y a pas jusqu'à dire que quand on fait une découverte, par exemple, on découvre une nouvelle particule, cette découverte renseigne sur le monde extérieur plus que sur notre cerveau même. Mais qu'est-ce que c'est que le monde extérieur, finalement? C'est une construction de notre cerveau, également. Bon, on va changer de sujet. Alors pour me venger, je vais vous poser une question peut-être embarrassante. Imaginez que je mette sur la table le cerveau d'un singe à côté du cerveau d'un humain. Est-ce que en analysant les différences de taille, de forme, de structure, vous seriez capable de m'expliquer d'où vient que le cerveau humain est plus performant que celui d'un singe? Alors, le cerveau humain n'est pas toujours plus performant que le cerveau d'un singe. Je suis désolé. Par exemple, sur certaines tâches visuelles, les singes sont meilleurs que nous. Sur la célérité du déplacement, les singes sont meilleurs que nous. En revanche, pour détecter les particules élémentaires, ils sont moins bons. Il paraît. Il est évident qu'il y a des différences dans les fonctions cognitives entre un singe et un cerveau, le cerveau d'un singe et le cerveau d'un être humain. Cela dit, l'une des difficultés, c'est que la comparaison uniquement de l'anatomie ne suffit pas pour renseigner sur les différences. Et nous, on se rend compte, parce qu'on étudie également ces deux cerveaux, et on met en évidence, y compris par des moyens d'imagerie cérébrale, beaucoup de choses en commun, mais on met aussi également une évidence des petites différences lorsque le niveau du traitement devient de plus en plus abstrait. Après, il y a une différence fondamentale, c'est que nous, vous, on est allés à l'école depuis notre tendre enfance, pas le singe. Et là, il y a une interrogation qui reste totale. Est-ce que l'éducation, on sait que l'éducation est un élément fondamental dans la différence entre le cerveau du singe et le cerveau de l'homme, mais est-ce que c'est la seule différence? Est-ce que si l'on éduque un singe peut-être un petit peu plus longtemps, pourquoi pas, on arriverait à reproduire certaines tâches que nous, êtres humains, sommes capables de faire? Le temps a passé, il faut que nous interrompions cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté le jeu. Grâce à vous, nous sommes devenus un peu plus conscients de ce dont nous sommes conscients et un peu moins inconscients de notre inconscient. Merci. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique beaucoup de monde, pour Radio France, Laurent Frachia et Alexandre Abergel, pour le théâtre de l'Odéon, Gilles Chaudemanche, Jean-Philippe François, Colin Yacoub, Michael Krug et Eric Argis. Et à la réalisation, bien sûr, François Connac. C'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.